Alors, prenons le verbe dire. En italien, dire. Dire, oui. Quelle est la forme qui correspond à je? Je dis. Dico. Dico, c'est je dis. Comment diriez-vous? Maintenant, je vous dis pourquoi. Si vous voyez votre interlocuteur. Maintenant, je vous dis pourquoi. Qu'est-ce que ça donne? Maintenant. Ora. Je vous dis, c'est les. Le dico. Pourquoi? Perché. Ora le dico perché. Voilà. Le dico, je vous dis, ou je lui dis à elle. Le dico. Par contre, je lui dis à lui, ça se dit. Gli dico. Gli dico, absolument. Maintenant, pour traduire, je le lui dis. Qu'est-ce qu'il faudrait dire, logiquement? Lo gli dico. Attention à l'ordre des mots dans la phrase italienne. Ce n'est pas le même qu'en français. Ce n'est pas lo gli, mais... Li lo dico. Logiquement, vous avez raison, c'est ce qu'il faudrait dire. Mais en fait, lilo devient lielo en un seul mot. G-L-I-E-L-O. Lielo. Pour vous en souvenir, vous pouvez vous dire que le E entre li et lo représente le lien entre les deux mots. Puisque E veut dire aussi E, E-T. Donc, je le lui dis donnera. Glielo dico. Oui, glielo dico. C'est toujours glielo que l'on parle d'un homme ou d'une femme. Pour un homme, glielo remplace lilo. Et pour une femme, il remplace lelo. Prenons encore un exemple. Traduisez-moi, je le lui donne. Glielo do. C'est ça, glielo do. Pour en revenir à dire, si je dis correspond à dico, comment diriez-vous ils ne me disent pas pourquoi? Non mi dicono perché. Oui, c'est ça. Non mi dicono perché. Et que va donner ils ne me le disent pas? Non me lo dicono. Voilà, très bien. Non mi dicono perché, pour ils ne me disent pas pourquoi, mais non me lo dicono, pour ils ne me le disent pas, parce que mi devient me lorsqu'il est suivi de lo. Non me lo dicono. Il y a un verbe qui est assez important, c'est comprendre. Comment dit-on ça en italien? Penser à capturer le sens. Capire. Capire, oui. Et je comprends se dit capisco. Capisco, c'est ça. Comment direz-vous je ne le comprends pas? Non lo capisco. Non lo capisco. Dites-moi maintenant, ils ne le comprennent pas. Non lo capiscono. Non lo capiscono. Très bien. Comment direz-vous maintenant je ne le connais pas? Non lo conosco. Non lo conosco, oui. Et ils ne me connaissent pas, ça donne quoi? Non mi conoscono. Bien. Non mi conoscono. Maintenant, si je vous dis que le verbe finir se dit finire et que la forme qui correspond à je suit le même modèle que capire ou conoscere, comment direz-vous je finis? Finisco. Finisco, c'est ça. Et donc, je le finis? Lo finisco. Lo finisco, oui. Et ils le finissent? Lo finiscono. Lo finiscono. Comment diriez-vous « ils ne veulent pas le faire »? Non lo vogliono fare. Non lo vogliono fare. Bien. Est-ce qu'on pourrait aussi dire non vogliono farlo? Oui, bien sûr. Les deux sont possibles. Non lo vogliono fare ou non vogliono farlo. Maintenant, dites-moi, ils ne veulent pas me le dire. Non vogliono dirmelo. Oui, non vogliono dirmelo. Ou alors? Non lo vogliono, non me lo vogliono dire. Non me lo vogliono dire. Très bien. Avec me lo qui remplace mi lo. Voilà, nous avons vu que la première personne, le je, sert à former le il ou le elle au pluriel.